Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Paul Show, tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 avec Phil et Tom pour vous servir. Bonsoir Tom. Bonsoir, ça sent mauvais ici. Ouais. Ouais, parce que. Il y a le feu. Bah, je sais pas, les sirènes derrière. Ouais, c'est les sirènes du Canada. Je vois pas. Ça arrive régulièrement ces sirènes. Généralement, ces sirènes, c'est pas forcément bon signe, mais des fois, c'est la DDE qui fait ces tirs. Bah, non, bon, bah, c'est une dépanneuse, tu vois. Voilà. Ouais, bon, ça va, super. Bon, vous avez à part tes conneries à raconter, tu dis. Non, mais moi, non, mais dis bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, ils en ont rien à foutre. Bonsoir, le Québec. Bonsoir, RadioQuébec.biz. Voilà. RadioBiz. RadioBizBiz. Bonsoir, Facebook. Salut, tu vas bien? T'as une belle vie? Tout se passe bien. Bonsoir, Eric. Bonsoir Hugo, bonsoir Toto, bonsoir Titi, salut John, salut Hugo. Bah non, Hugo, tu m'as dit qu'il n'écoutait pas l'ami Hugo. Non, il écoutera la rediffusion. Bonsoir Hugo alors, bonsoir au Québec, nous il fait nuit, et puis voilà quoi. Chez nous, l'heure où tu écoutes, enfin voilà, bref, il fait... Bah, je sais pas, enfin, on écoute quoi ce soir chez une programmation? Ça y est, c'est bon, tu peux y aller? Non, tu me dis, hein, si tu qu'est-ce qu'on va écouter dans la Alors déjà, ce soir, ça va être une émission 100%, enfin... spécial, pas 100%, mais spécial Motoculteur Fest pour les 10 ans du Fest. Pour les 10 ans du Fest. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Je croyais que tu. Non, c'est qu'on entend. Tu as trop de retours, c'est ça que tu veux dire. Là-bas, c'est pas la même chose que ce que j'ai là. D'accord ? Ah voilà, oui, tu as le retour antenne. Dis-le-moi trop fort, envoie-moi le retour antenne, retour juste direct. Un truc, je crois que Tom n'a pas enlevé ses moufles dès qu'il a vu qu'il tombait deux gouttes d'eau. C'est dit merde, je vais mettre des palmes à la place des moufles. Allez, ce soir donc, jeudi 29 juin, oui, hein, spécial. Déjà. Spécial Motoculteur Festival, la 10e édition, donc ça se fête, hein. Je sais pas si on va avoir des bougies. Je sais même pas s'ils vont nous appeler, normalement on devait faire une interview des organisateurs, ouais. Mais je pense qu'ils ont aussi des moufles, enfin bref, ils répondent pas tout de suite. Il doit y avoir un décalage, pourtant on est bien en France, mais je pense qu'il y a un décalage. Alors on m'a répondu, oui on essaye de voir ce qu'on peut faire, machin, bon, c'est la première fois que je vois qu'un festival ne veut pas faire de promo, mais bon, c'est pas grave. Allez, on a commencé cette émission avec Death Angel, ils ne sont pas au... Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas au Motoculteur cette année. Mais ils vont nous sortir un nouvel album, et surtout, ils seront à Paris le 20 juillet, mon cher Tom. Et ils seront où le 20 juillet? Le 20 juillet, ils seront au Petit Bain. Voilà, donc allez les voir. À côté de la grande piscine, on l'a fait toutes les semaines, à chaque fois, donc on va arrêter. Pour la sortie de leur nouvel album, qui s'appelle The Evil Divide, qui est sorti en 2016, hein, le 27 mai 2016. Mais je crois qu'il y a un nouvel album qui se prépare, d'après ce que mon petit doigt m'a dit. Et on a commencé donc cette émission avec Breakaway, tiré de cet album. C'est le 8e album du groupe, il contient 11 titres. Ils nous viennent de la Bay Area, c'est un groupe de trash, bien entendu. Formé en 1982 aux États-Unis à San Francisco, Californie. Voilà, tout ce qu'on pouvait vous dire sur Death Angel. Qu'est-ce que t'appelles trash Bay Area ? La Bay Area, en fait, c'est le lieu en Californie, à San Francisco. Tous les groupes qui venaient de là-bas venaient de la Bay Area. C'est une baie, la baie. Oui, d'accord, oui, non, mais pourquoi trash, enfin, le style trash baie area? Non, c'est leur style, c'est du trash. Mais d'accord. Ils viennent de la baie area. Ah, ok, non, parce voilà, que vu que c'est tout taché. Je vous explique, hein, Tom n'est pas un métalleux hein, à la base. Hein. Non, je suis pas du tout, moi je suis très scène française hein, pour vous dire. J'écoute du métal, scène donc, française. Scène du métal, il écoute Mireille Mathieu, Michel Sardou, hein, Julien Clerc, c'est ça, hein, c'est bien ça. Scène. T'as tout compris. Voilà. Bon, un petit peu de mata, mais plutôt mon tonton, plutôt. Hein. Bon, allez, j'arrête de raconter des bêtises, puisque ce que vous entendez en fond sonore, c'est un groupe français. Mon sinon, cher tu vas saigner un petit peu, sinon. C'est un groupe français. Oui, c'est Bleed. Bleed ? Bah, vas-y. Oui, c'est Bleed. Allez, que c'est avec. Toute ta vie sur Bleed. Formé en 2013, c'est un groupe de trash death. Et on écoute un extrait de leur album Chaos Impact, qui est sorti en début d'année le 27 janvier chez M&O Music. C'est des Français. Ils seront en concert lundi soir au Gibus Live, c'est-à-dire République, Métro République, avec Beyond Creation, Virvum et Promethean. Promethean, exactement. Nous allons enchaîner maintenant avec des nouveautés avant de parler du Motoculteur. Hein. Nous allons enchaîner avec un groupe qui devrait te plaire, mon cher Tom, puisque là, on n'est pas vraiment dans le métal, mais on est quand même un petit peu dans le métal. Il y a un titre que j'ai kiffé dans la programmation qu'on entendra plus tard, ouais. Mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là ? Non. Alors c'est pour ça que quand tu me dis que tu fais, ouais, j'ai pas... C'est un peu bretonnisant, puisque c'est celtique, non ? C'est pas celui-là qui est celtique. C'est pas. Il est plus loin. Il y en a un qui est plus loin. Celui-là. Oui, aussi, mais il y en a plein. Donc c'est l'autre qui m'a plus intrigué que celui-là. Parce que le motoculteur, comme il se trouve dans le Morbihan, pas loin de la Bretagne, quand même. Hein. Ah oui, mais j'ai des origines bretonnes. Oui. Voilà. Et donc je me suis dit, on va te passer quelques trucs un peu bretonnisants, peu celtiques. Et le motoculteur se trouvant à Saint-Nolf, eh bien, il y a aussi des groupes assez celtiques dans le festival. Oui. Voilà. Donc on va commencer avec Flogging Molly, mais ça, attention, ce n'est pas au motoculteur, mais par contre ils seront eux aussi en concert à Paris. Ils seront au Bataclan le 4 juillet, mardi. Donc lundi vous allez voir Bleed, mardi vous allez voir Flogging Molly, et mercredi vous faites repos un petit peu quand même. Ouais, on va vouloir trouver des choses pour mercredi. Flogging Molly, donc c'est tiré de leur album Life is Good. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon Tom, The Bride War Black. C'est sorti chez Spine Farm le 2 juin, donc en début du mois. C'est le 7e album studio du groupe, il contient 12 titres, c'est du punk celtique. Ils nous viennent de Los Angeles. Ils fêtent leur 20 ans. Ouais, exact. Formé en 1997. Et voilà, c'est tout. Hein. Juste que l'album est très très bon. Moi j'ai adoré. Bon, c'est moins métal que Dropkick Murphys ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment excellent. Nous enchaînons ensuite avec un grand retour. Ça s'appelle The Magpie Salute. Alors, juste comme ça, vous allez me dire je sais pas ce que c'est que ce groupe. Eh bien, c'est un groupe de rock, mais qui a la particularité d'avoir en son sein 3 ex Black Crow. En son sein. En son sein. Ouais. Un sein, trois ex. Hein. Voilà, ce sont des anciens Black Crows. Donc on retrouve Monsieur Rich Robinson, Monsieur Mark Ford et Sven. Pipien. Il y a Pipien, il y a Pip 2, ça c'est une autre fille, c'est une fille que je connais, Pip 2. Et donc l'album s'appelle The Magpie Salute, et le titre que l'on va écouter ce soir sans omission c'est... Omission. Ah bien, super. Ils seront en concert le 7 juillet à la Maroquinerie. Exactement, ça sort chez Eagle Records le 9 juin. Premier album, donc ils nous viennent des États-Unis bien entendu. Et voilà, c'est une belle nouveauté. Nous allons entendre une autre nouveauté, une exclusivité Rock for Show. Là, c'est plus qu'une nouveauté, là, c'est une session live Rock for Show. C'est une basse live, même session basse live. Ouais. Donc, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ceux qui n'ont toujours pas écouté le podcast disponible sur le site archive.org, vous avez l'adresse sur la page Facebook. Pascal Mulot avec le titre Spen Chicorea. C'est une session live qu'on a enregistrée après l'émission la semaine dernière, pour vous dire. Il sera en concert demain. Au Triton, c'est porte mairie des Lilas à Paris, enfin en région parisienne. Voilà, et puis normalement il devait y avoir notre cher ami Patrick Ronda. Et donc Pascal Mulot m'a autorisé à dire que Patrick Ronda ne viendrait pas, puisque de toute façon c'est sur tous les Facebook. Et Patrick Ronda souffre d'un problème de santé. Il l'explique un petit peu sur son Facebook, donc allez voir pour avoir des news. En tout cas. Pascal Vignier sera là, Aurel sera là également, il y aura encore plein d'autres musiciens qui seront là pour accompagner Pascal Mulot sur ce concert un petit peu exceptionnel. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'écouter le deuxième morceau qu'il nous a joué en direct, enfin en session qu'on a enregistré ici, et on s'était dit on va le garder pour aujourd'hui. Donc on vous envoie tout de suite, sans plus attendre, dans vos oreilles, Flogging Molly, suivi de The Magpie Salute et Pascal Mulot. Au 06 80 01 28 34, vous pouvez envoyer des SMS à Phil. Ouais, un petit coucou, des photos. Ouais. Parce qu'il y a, sinon, on a du soleil. Envoyez-nous votre temps, si vous voulez. On a mis une photo, nous. Oui, sur on le a une photo de notre gueule. Ouais. Hein, sur Facebook du Rock for Show. Bah, mettez-en une, vous aussi, en disant hey, c'est moi, j'écoute. Allez, à tout de suite. Gone. Un morceau maintenant de Chick Corea, un compositeur de jazz, un pianiste de jazz. Donc normalement sur cette version il n'y a Patrick Ronda qui joue et c'est la version où il n'y a pas les guitares, mais il est beaucoup plus hard et c'est un peu dans l'esprit du concert du 30 juin au Triton justement, où certains standards de jazz ou de funk seront rendus beaucoup plus heavy, beaucoup plus rock'n'roll. Thank you. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, mon cher Tom. Qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Et bien on écoute du bon son après avoir écouté de l'excellent, un excellent Pascal Mulot en live, en session basse live. On écoute Karma to Burn 60. Ouais, ils seront en concert le 3, donc beaucoup de choses hein, le 3. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de concerts. Donc le 3, lundi 3, ils seront au Glazart 715 avenue de la Porte de la Villette. Ils seront avec Égypte, avec Mothership et 11... 12. 12, ah oui, 12, 12 Boards. 12 boards. 12 boards. Ah oui, 12 boards. Je pense que c'est tout ça. C'est 12 boards. Ou alors X toutou. Ou X II. Ouais, ou X toutou. Ou X XII. Je sais pas. Je sais pas comment ça. Je connais pas du tout ce groupe-là. Ouais. Mais ça doit être une soirée un peu stoner, puisque Karma to Burn, c'est un peu stoner. Yes. Et sachez que l'album de Karma to Burn est sorti chez Rodeo Star, alias SPV, le 28 décembre 2016. Voilà. Et ce que l'on a écouté avant, bah on vous l'a dit tout à l'heure, un Flogging Molly. On a enchaîné avec The Magpie. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Magpie quoi ? Je ne me rappelle plus. Salut ! Et puis Pascal Mulot. Alors sachez que là, sur la petite session là, de Pascal Mulot, comme il l'a expliqué, normalement il y a Patrick Ronda qui vient en live jouer sur ce morceau. Donc là, ce sera certainement Pascal Vignier qui viendra faire la guitare ou un autre guitariste dont Monsieur Pascal Mulot nous présentera. Donc demain soir, ne ratez pas ce concert demain soir. C'est au Lila. C'est le Triton. Et c'est le Triton. Hein, ne ratez pas ça. Et c'est rue du Coq Français. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je me souviens. 15 rue du Coq Français, ou je sais plus combien, mais c'est rue du Coq Français. Internet est ton ami. Ouais, et l'autre. Pour pas citer marque. Quoi d'autre? Eh bien, on va passer maintenant au vif du sujet avec le Motocultor, 10e festival du nom. Avant d'être à Saint-Nolf, ils étaient à Tex. Toujours dans Latex. Latex, c'était Latex. Et donc, ben voilà, on est fiers et contents que ce festival fête ses 10 années d'existence. Le festival est sur 3 jours, mon cher Tom. Est-ce que tu peux nous rappeler les... Non, j'ai pas, je peux pas encore te rappeler. Non. Bon, ouais. Si tu attends deux minutes. Oh, mais moi, j'attends, hein, j'attends, pas de soucis. C'est au mois d'août, comme chaque année, c'est vers la mi-août. C'est le 18, 19 et 20 août, voilà. Et il y aura à peu près, je sais pas, une cinquantaine, de soixantaine de groupes peut-être. Ouais, hein, au moins tout ça, si c'est pas plus. De toute façon, tous les groupes ne sont pas encore annoncés. Ouais, il y a même, non, il y a même plus que, parce que là, ils ont 50 groupes déjà. Et ils doivent en annoncer encore une vingtaine, je crois. Hein, ouais. Donc ça représente à peu près 70 groupes. Et nous allons nous attarder sur quelques groupes. Nous allons pas pouvoir passer toute l'affiche en revue comme nous le faisons un peu plus longtemps les autres années. Les autres années, on a deux émissions, hein, de 3 heures en fait à passer avec le Motocultor. Cette année, ben, on va passer un petit peu moins de temps parce qu'il y a plein. Et puis le jardin est un peu moins grand, quoi. Comment ? Le jardin est un peu moins grand. Oui, c'est un peu ça, quoi, sûrement. Et donc, il n'y a pas compris. À la bourrie, si, mais si. Oh, bien sûr, Tom, que j'ai compris. Motocultor, jardin, la bourrée, d'accord. Sauf que là, il n'y a pas la bourrée. C'est, ça s'appelle pas la bourrée en Bretagne. Comment ça s'appelle ? La danse. De quoi ? Tu vois, mon gars. Ah, toi non plus, tu suis pas. Ah, oh, je te jure. En tout cas, je vais te mettre une sacrée baffe de sang, puisqu'on va commencer avec Bloodbath. Non, c'est un bain de sang en plus. Bon, c'est quand tu veux pas arrêter, je me pourris quand même. Hein. Bah, on n'arrête jamais, tu sais. Hein, on n'arrête jamais. Je te rappelle quand même qu'au bureau, on a un petit cochon. Non, mais change pas de main, je sens que ça vient. Ah, bah, attends, non, là, c'est pas ma main. C'est mon pied. Bon, allez, Bloodbath, on commence avec Bloodbath qui sera une des têtes d'affiche. De cette 10e édition apparemment de ce qu'il va annoncer Motocultor avec l'album Grand Morbid Funeral qui est sorti chez Peaceville en 2014. Le nouvel album sortira d'après ce que j'ai compris bientôt, hein, pas tout de suite maintenant, mais bientôt normalement il devrait y avoir un nouvel album de Bloodbath. Celui-ci donc ce sera en 2000 cet extrait de 2014. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur Bloodbath ? Le morceau que l'on va vous diffuser ce soir, c'est Church of Vastitas, et non pas Vasistas, hein, mon cher Tom, parce que je te vois venir. Qu'est-ce que c'est ? Vasistas, petite fenêtre. Non, le groupe en plus n'est pas allemand, puisqu'il est suédois. C'est le 4e album studio du groupe qui contient 11 titres. Ils nous font du death metal. Le groupe s'est formé en 98. Donc il a 26 ans, Tom. Puisque tout à l'heure, non, 21 ans, Tom. Non mais c'est pas grave. 98. Ouais. Ouais. Ouais, ah, tu peux enlever un an, très cher. 19 ans. Voilà, merci. Ouais, 19 ans. Man, ouais, c'est ça. 19 ans. Ils nous viennent de Stockholm. Stockholm, Stockholm. Voilà, c'est en Suède, il fait froid. Nous avons perdu fil. Hein, juste Il fait froid ou il fait chaud à cette époque-là à Stockholm, tu sais pas. Bon, il doit pas faire très chaud. Si tu sais pas, tu te tais. Hein. Il doit faire une vingtaine de degrés, je pense. Comme 20 degrés, c'est pas comme mal. Comme à Paris. Comme à Amsterdam. Voilà. Parce que c'est un peu au-dessus d'Amsterdam. Ouais, mais comme à Paris en ce moment. Parce que les températures ont vachement baissé par rapport à la semaine dernière. On a perdu 50 degrés par rapport à la semaine dernière. Donc c'est sûr que. Allez, nous enchaînerons ensuite avec NC Ferrum. Alors là, tu suis bien, Tom, parce que j'ai changé un peu. Parce que normalement, on devait avoir une interview qu'on n'aura pas. Oui. Hein, parce qu'ils sont très occupés. Donc ils ne pouvaient pas répondre en 10 minutes à nos questions. Donc c'est pas grave. Est-ce que tu as les tarifs ? On va chercher tout ça, peut-être, Tom ? Ouais, là, tu me demandes des choses. Faut que je prenne. Donc je vais continuer. On peut revenir demain ou pas ? Non, on ne revient pas demain. Justement, c'est ce qu'il voulait faire une interview plus tard. Bah, j'aurais dit que c'était pas possible. Donc, NC Ferrum, ce sera le deuxième groupe qu'on écoutera ce soir, avec leur magnifique album One Man Army, dont le CD bonus voyait une version de Rawhide. Je sais pas si vous vous rappelez, avec Clint Eastwood, le feuilleton et tout ça, c'est voilà, super. Donc, One Man Army de NC Ferrum, et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Two of Spades. Sorti chez Metal Blade en 2015. C'était le 6e album du groupe qui contenait 11 titres. Ils nous viennent de Finlande, après la Suède, la Finlande. C'est un quintet de folk metal qui s'est formé en 1995. Et le 15 septembre sortira le 7e album du groupe. Donc ne le ratez pas. En tout cas, vous pourrez peut-être écouter des nouveaux titres au Motocultor. Nous enchaînerons ensuite avec, à moins que Tom ait une intervention pertinente, Tom. Non, j'ai juste ce que tu as demandé, je le laisse. Ah bon, alors vas-y, Tom, combien tu me le fais, le motocultor? Hein, s'il te plaît, à combien tu me le fais? Allez, vas-y, Tu veux combien de chevaux? Vas-y, à combien? Tu veux combien de chevaux? Tu veux combien de... comment on appelle ça? À combien d'euros tu me le fais? Allez, dis-moi. C'est 82 euros pour le passe 3 jours, plus les frais de loc, et 46 euros la journée. D'accord. Et le sandwich, tu me le fais à combien le sandwich? Jambon beurre, 15 euros. Voilà. Et le passe 3 jours sur place, c'était à 102 euros et 51 la journée. Voilà. Bien, Tom, bien. Est-ce qu'il y a un camping, Tom? Ah bah, il y a des chances. Là, tu me demandes des choses. Faut que... J'adore ce sujet. Mais... Tu le sais que j'adore. Bon, je sais bien, je sais bien. En tout cas, allonge-toi sous ta tente. Je continue avec Paradise Lost. Paradise Lost qui sera aussi à l'affiche du 10e Motocultor. Avec leur dernier album qui s'appelle The Plague Within. Eux aussi sortiront un nouvel album qui sera donc leur 15e album. Ils le sortiront le 1er septembre 2017. Ouais, exactement. Chez Nuclear Blast. Oui, ils changent de maison. Là, je te colle. Hein. Ouais, c'est bien. Toi, tu passes le motoculteur, moi, je te colle. Et donc, le dernier album dont on parlait là tout à l'heure, hein, qui est sorti en 2015, hein, le 14e, lui était sorti chez... Century Media. Bien, bravo, tu suis, c'est... Ah, j'adore. Et le titre que l'on va écouter ce soir s'appelle... Flesh from a Bone. Bien, bravo. Bon, bah voilà, ça sera c'est du gothique, c'est formé en 88, donc ils ont... 88, bah, ils ont beaucoup d'âge. 29 ans. Beaucoup d'âge. Ils ont beaucoup d'âge. Et CD UK. Ils ont plus que ça. Non, le groupe, 29 ans. 38 ans. Ouais. 38 ans. Non. Non, bah, à ce moment-là, j'ai 50 ans aussi. Ah bon, d'accord, non, je sais plus moi. Moi, tu sais, j'ai arrêté de compter. J'étais comptable avant, mais j'ai arrêté. Ah, tu comprends pourquoi. Allez, on envoie tout de suite la musique ou est-ce que j'avais. Non. Ouais, on l'annonce peut-être. De quoi hein. Obituary, non, on le fera après. Ouais, Obituary, après. Non, ouais. Comme tu veux. Non, on le fera après. Ouais. On le fera après. On va s'arrêter avec Paradise Lost. Donc on vous répète, on commence avec Bloodbath, on enchaîne avec Enciferum et on termine avec Paradise Lost. Musique, c'est parti! De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30 pour la France, 13h30, 15h30 pour le Québec et les pays qui sont sur le même méridien. Hein, c'est ça, Tom ? On est d'accord ? Hein ? Pour les autres pays, bah, vous écoutez, mais ce ne sera pas le même heure. Tout dépend de votre fuseau horaire. Voilà. Oui, voilà. Fuseau horaire méridien, ouais, c'est pareil. Ouais, votre GMT. Votre GMT. Donc, nous sommes en train d'écouter Suffocation qui fait suite à... Tu suffoques, toi. Ouais. Qui fait suite à Bloodbath, qui fait suite à Enciferum. Pourquoi on a dit LUVC tout à l'heure, non ? Enciferum, hein, bien sûr. Pourquoi tu dis LUVC ? Parce que c'est après. Parce que la vessie, elle est, faut la lire. Et voilà. Et Paradise Lost. Et donc, maintenant, vous écoutez donc Suffocation. Yeah. Sorti chez Nuclear Blast. Là, ça va sortir le 9 septembre. Donc 9, c'est vraiment, 9, c'est vraiment une petite exclue qu'on vous passe ce soir. Hein. Ils sont motocultors aussi. Oui. Ils ont 8 albums à leur actif, c'est du Brutal Death, bien sûr. Ils c'est des ricains. Ouais, ils se sont formés en 89. Ils viennent d'où? Long Island. Bien sûr, dans l'état de... New York. Bien. Wow, putain. Hey, mais t'es incollable. New York. Oh merde. Alors là, on vient de le perdre. On vient de le perdre, c'est mort. Nous allons donc continuer avec de la musique spéciale Motocultor ce soir, avec une affiche assez brutale quand même, même s'il y a des choses un peu plus... ouais, un peu plus légère, hein. Mais ce soir on a décidé, comme on passe pas beaucoup de brutal dans les autres émissions, ben, de muscler un peu. Et puis le Motocultor, quand même, à son origine, était quand même un festival très brutal metal. Hein. Et donc ça s'est... Ouais, depuis quelques années, depuis que peut-être le Hellfest a lui aussi mis des groupes de tous horizons, eh bien le Motocultor... Ça s'est un peu plus adouci pour attirer des autres, d'autres je oreilles pense, je pense, d'autres oreilles, et puis... ouais, surfer un petit peu sur cette vague. Et comme ils sont dans la même on va dire région, enfin partie de la France. Oui, parce que région non, mais partie de la France. Le Hellfest est en Loire-Atlantique. Exactement. Qu'on soit d'accord, c'est région Pays de Loire. D'accord. Et là, c'est dans le Morbihan. Oui, c'est en Bretagne. Voilà. Donc c'est pas pareil. C'est à quelques mille non. nautiques. Bah si. Ah, des mille nautiques. Ouais, des mille nautiques, mais pas des. Mais à kilomètres, non. Hein, c'est à quelques centaines de kilomètres. Ouais, c'est proche hein, quand même. Hein. Mais voilà. Donc, c'est pas la même région. Nous allons continuer avec d'autres groupes. Et nous allons commencer avec Obituary, tiré de leur album qui s'appelle... Obituary. Bien, bravo. Ah, j'ai failli, hein. L'album éponyme qui est sorti le 17 mars 2017 chez Relapse Records. C'était un certain jour de la sentence, c'est ça ? Sûrement, c'était Sentence Day. C'est le titre qu'on va écouter. Exactement. C'est chez Relapse Records. Ouais, je viens de le dire. Et c'est leur 10e album. Tu suives, hein, quand même, hein. C'est le 10e album. Ça, je l'ai pas dit. Ah, et il fait combien de titres ? 11. Ah, bien. Je vois que tu deviens de plus en plus accolé. Et ils font quoi comme musique ? Du death metal. Ah ouais, bien aussi. Et ils joueront au... Motocultor. Ah, bien, bravo. Bah, dans une émission spéciale Motocultor, vaut mieux que les groupes jouent au Motocultor. C'est hein. mieux. C'est... Et ils sont ? Bah, ils sont américains. Et ils connaissent Brandon. Ouais, ils viennent de Brandon en Floride et ils se sont formés en 1908. 998. Alors on va essayer de le faire. 98. 98. Non, 88. 88. 1988. Hein ouais, on est franglophone chez nous. Enfin, 1988. Yes. Voilà. 1988 pour hein, ceux qui parlent pas l'allemand. Hein, c'est surtout ça, faut leur dire hein, quand même. Ah, je crois que c'est du chinois, moi. C'est aussi du chinois un peu, ouais, je pense. Nous enchaînons ensuite avec un ami hein, de nos cousins, puisqu'il est canadien. Et il s'appelle Devine comment il s'appelle. Devine. Devine comment il s'appelle Townsend. Devine Townsend Project. Exactement, Devine Townsend Project, qui seront également dans les côtés d'affiche de ce Motocultor 10e du nom. C'est leur 17e album studio qui s'appelle Transcendance. Alors, non, attention, c'est le 17e album studio de monsieur Devine Townsend. Mais il a plein de projets. Plein. Et celui-ci, par contre, c'est le 7e album de Devine Townsend Project. Ouais, je sais, c'est compliqué, Tom. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Non, je sais, Tom. Au-dessus, c'est le soleil. C'est ça. Et cet album s'appelle Transcendance, je l'ai déjà dit. Voilà, et c'est Offer Your Light. Il t'offre sa lumière. Comme tu as fait quand je suis arrivé chez toi. Tu m'as dit, la lumière est ici. Rentre, ami Philemon. Tom t'accueille. Bon, bah, je me suis dit, super, il n'y a même pas... Si, il m'a accueilli, il m'a dit, tiens, la porte, elle est là, dégage. Ah, je suis mince. Bon, cet album est sorti en... Bah, encore le 9-9, mais 2016, celui-ci. Donc, c'est pas une nouveauté. Mais il est sorti chez Evil Evil Records, et c'est un groupe canadien, bien sûr, hein, puisque Monsieur Devin Townsend est canadien. Il est né le... Le 5 mai 1972. Alors il a quel âge? Il a quel âge? Attention. Oh, c'est pas dur, il a 37 ans. Non. 34 non. ans. Non, non, il a 43 ans. 45 ans. Voilà. Non, non. Encore? Ah si, il a 45 ans. 72, 17, il a pas 35 ans, il a 45 ans. T'es sûr? Bah 80 ans. Allez, allez, non, c'était pour te coller, c'était pour voir. Ça, j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. T'as eu du mal, hein, quand même. Alors bon, le musicien est multi-genre, multi-instrumentiste, enfin bref, il a plein de talents, il est capable de chanter, d'écrire des chansons, il est musicien, producteur, il joue de la guitare, et de la voix, de la basse, ça du keyboard. Ça ferait keyboard. Presque une chanson tout ce que tu dis. Là. Voilà, complètement. Et il est actif musicalement depuis 1990. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, c'est tout, hein. Hein, t'as d'autres choses à dire? Ah oui, il sera au... Moto Guitar. Ah, bravo. Putain, magie. Oh putain, le mec ici. Je suis trop fort. Là, j'ai... Donc après Obituary, après Devin Townsend Project, nous allons écouter un groupe un petit peu folk. Ouais. Plus celtique. Ouais, celtique folk un qui s'appelle Eluvesi. Avec des voix masculines, des voix féminines, avec du violon, de la flûte, enfin bref, c'est bien. Mais j'espère que je le prononce bien parce que c'est un... C'est Suisse. Ouais, mais c'est pour ça que je me dis pourquoi le U, quoi. Parce que Helvétie, normalement. Non, mais là c'est fait exprès. Oui, non, mais j'imagine, mais... Ah, non, c'est voilà. Fait exprès. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était Suisse... Le titre de l'album... Evocation 2, oui. Panthéon. Bien, relève-le ton Panthéon. Remets ton Panthéon, mets une ceinture, mets des bretelles, tiens d'ailleurs. Eponia, c'est donc. Epona. Espagnol. Ouais, espagnol. Moi, il n'y a pas d'accent Suisses. Sur l'aine. Non, mais pas... c'est des Suisses espagnols. Ah. Ah, tu savais pas ça, hein? Ah, je t'embouche un coin, hein? C'est le frottard avec le Pays Basque. Bon, en tout cas, ça sort chez Nuclear Blast au mois de. Au mois d'août, le 18. Hein. Exactement, c'est issu de leur tout nouvel album. C'est le 7e album studio, 14 titres. Yes. Et ils seront au Moto Couture. Ils se sont formés en 2002. Oh, bravo, bravo. Et c'est pas les têtes d'affiche, mais ils sont bien placés au niveau du. Ouais, on peut dire qu'ils sont co-têtes d'affiche. Hein. Ouais, presque. Voilà. Oui. Alors, on va reparler un petit peu des horaires, un petit peu, mon Tom, puisque tu m'as dit que ça commençait le jeudi. Oui, ça commence jeudi. Sur le site du festival, que vous pourrez trouver sur motocultor-festival.com, il est annoncé une ouverture le jeudi à 15h, de 15h à minuit. Mais il n'est pas annoncé de groupe, enfin à ce jour sur le site du festival, il n'est pas annoncé de groupe le jeudi. Donc peut-être est-ce l'ouverture du camping, je l'imagine. Et peut-être il y aura des groupes autres qui ne sont pas annoncés, qui joueront un petit peu pour vous distraire, amis campeurs qui iraient à la Miou au Motocultor. Voilà. Et le vendredi, l'ouverture est à 10h, le samedi aussi, et le dimanche également. Mais vendredi, samedi, fermeture à minuit, et le dimanche, 23h. Ouais, voilà. Que vous puissiez aller vous coucher avant de reprendre la route. Exactement. Bon, on envoie de la musique. Ou pas. On commence avec Obituary, on continue avec Devin Townsend Project et on termine avec Eluvesi. Exactement. Allez, 06 81 01 28 34 si vous voulez nous envoyer des messages. Comme bon nombre d'auditeurs nous sont en train de nous les envoyer. Mais il y a également un chat apparemment. Oui, sur la page de Radio. Bon, salut, comment est-ce Guenel. Guenel, voilà. Guenel. Monsieur Guenel H. Donc on le salue, il se sent seul sur le chat. Si vous voulez le rejoindre, allez le rejoindre. Personnellement, hein, nous, on est très occupés. Sur le chat de Radio Biz ou de Radio Québec.biz. Sur le chat, il est noir ou blanc, tout dépend de votre fond. Allez, arrête de dire des conneries, envoie-moi la musique. S'il te plaît, dépêche-toi. Oh, dis donc. Yeah! De Mantard et non c'est Vantard non Mantard c'est sûr Mantard Chronos Abaddon Mantard bon non ça n'a rien à voir, c'est pas Venom, c'est Mantard, c'est un groupe qui nous vient d'où cela je sais même plus, ils nous viennent d'Allemagne bien entendu et ils viennent de Hambourg et ils sont c'est pas comme l'acro mais presque bravo. Et ils nous viennent de chez Nuclear Blast. Ils ont deux albums à leur actif, deux albums studio, bien entendu. De toute façon, ils n'ont pas encore de live. Ils font du Doom Sludge. Ouais, si tu veux. Moi, j'aurais dit du gros heavy metal bien burné. Et ils se sont formés en 2012. Ils seront également à l'affiche du Motoculto. Putain, j'ai cru que j'avais perdu Tom. Ah, si ça y est, je l'ai perdu. Ah, mais moi, je suis resté sur le titre d'avant. Il est resté sur sa crône. Hambourg. Non, je suis resté chez UVC. D'accord. Voilà. Bah, moi, j'aurais dit plutôt qu'il faisait du Black Doom Punk. Non. Attends, tu vas loin. C'est ce que j'adore chez Metal Hound, en fait. Du, ouais, enfin, ouais. Du Black Prog Metal Punk Gore. Doom. Voilà. Black Death et ses petits amis. à qui on dira le plus sera le mieux. Voilà. Exactement. Plus c'est long, mieux ça, ça rentre. Voilà. Nous sommes donc partis voyager avec Obituary. Nous avons traversé l'Atlantique pour aller au Canada avec Devin Townsend Project. Et nous sommes revenus en Suisse pour les Helvétiques. La Suisse. La Suisse. Lentement, on a fait tout ça. Hein, ah, c'est la Suisse. Voilà. Pays du chocolat. Ouais. Et la marmotte, elle met le chocolat. Mais tu sais que là-bas, au Volmantin, j'ai 8 secondes pour vous dire... tu te rappelles de ça ou pas? Ouais. Et puis Milka, c'est pas du chocolat suisse aussi? Waouh. Non, je sais pas. Bon, allez, on va souhaiter Poulain, parce que j'aime bien Poulain. Et donc, Mantar, eh bien, ils seront au Motocultor. Voilà. On est content de le savoir, on est content de l'apprendre, on est content aussi de les découvrir, parce que moi, je les ai jamais vus sur scène. Alors là, grosse nouveauté, grosse nouveauté, grosse exclusivité pour les titres qui vont venir. Mais avant ça, on va vous parler du warm-up. Mon cher Tom, le warm-up. Le warm-up qui se retrouve du Motocultor. Toujours au même endroit, enfin. Non. Non, pas toujours au même endroit, parce qu'il y en a eu plein des warm-up du Motocultor, mais celui-ci, oui, mais c'est le Motocultor, c'est le warm-up parisien. Oui, ce dont on parle, nous, les warm-up dont on parle, c'est généralement toujours au même endroit, c'est-à-dire au Dr. Feelgood des Halles, que l'on salue les gérants au 39, c'est ça ? 39 ou 37 ou 34, je sais plus. Enfin, c'est vers 30 quelque chose, rue Quincampoix. Quand vous arrivez face au monument Georges Pompidou, ouais, vous tournez sur la gauche, voilà. Alors, s'il est devant toi, tu te retournes pour que tu l'aies dans le dos. Mais si tu l'as dans le dos, fais gaffe. Fais gaffe. Georges, j'ai l'émission. Faut que tu mettes quand même ton calbut blindé. Hein, quand même. Donc, c'est le 13 juillet, jeudi, dans 15 jours, ouais, 3 semaines même, presque. Ouais. Donc, c'est la veille d'un jour férié. Donc, tout va bien, tranquille. Vous allez pouvoir faire la teuf, aller voir les feux d'artifice à gauche, à droite, où il y en aura. Et il y a deux groupes qui propose plus un blind test, vous pourrez gagner des places, des passes pour les Motocultors. Et au niveau des groupes du live qui se jouera, nos amis de MF Crew et le groupe que je te disais tout à l'heure, Taman Shud. Je connais pas, mais ouais, ça doit être bien. Ça doit être bien. S'ils jouent avec MF Crew, c'est que ça doit être bien. Ouais. Bon, allez voir MF Crew, ils ont sorti leur nouvel album là, qui est pas mal du tout. Allez les voir. Ils sont un peu partout, hein, parce qu'ils étaient au Hellfest, ils étaient au PMFF, ils étaient partout. Ils étaient au Dr. Feelgood il y a quelques semaines, ils sont encore au Dr. Feelgood et je pense qu'à la rentrée ils seront au Dr. Feelgood. Mais je me demande s'ils n'ont pas acheté le Dr. Feelgood, les MF Crew. Ouais, avec un album, ils ont gagné tellement d'argent avec l'album. Je pense. Allez, on va parler d'exclusivité avec un album qui n'est pas prêt de sortir. Et il ne sortira qu'au mois de septembre. Non, au mois d'août. Le 15 septembre. Le 15 septembre, ça sortira l'album. Non Serviam. Ouais, c'est Non Serviam. C'est vous qui sortez ça. Non, chez Non Serviam Records, le 15 septembre. Le groupe s'appelle Zornheim. Et pour le dire plus rapidement et avec l'accent, peut-être, je ne sais pas si c'est avec l'accent, ils sont suédois. Et comment ça se fait qu'on retrouve Non Serviam, ce nom-là, juste là? C'est une maison de disques, ils ont le droit. Hein. C'est un quiproquo, Non. Non Serviam, c'est une locution latine. Oui, non, donc, j'imagine. Ça veut dire ne pas servir, enfin, je ne servirai pas. Ouais, d'accord. Donc, c'est ADX qui a copié. Non, parce que, oui, c'est voilà. Tu as raison, c'est ADX qui a copié un groupe qui s'appelait, Rotting Christ, je crois, Rotting Christ. D'après un auditeur, comme quoi on n'a pas le droit de se servir de notre serviable. Enfin, c'était ridicule. On va pas revenir là-dessus. Non, mais je te demande juste, moi, c'est pas. Le morceau dont on va parler ce soir de Zornheim s'appelle Whom the Night Brings et c'est tiré de l'album. Alors attention, je prends ma respiration. Where Hatred Dwells. Darkness. À tes souhaits. Darkness quoi? Darkness Reigns. Alors, ça veut dire quoi? Là où... Je sais pas. Bah, vous savez quoi? Vous faites la traduction et puis... Eh bien, les ténèbres règnent. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais je suis pas anglophone ni anglophile. Par contre, je suis filémol. Voilà. Le groupe vient de Stockholm, encore un groupe de Suède. Merci à Brigitte, que je salue, qui nous a envoyé l'album. L'album contient 9 titres. Les influences, on est dans 10 sections. Dimmu Borgir, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? King Diamond, ah ouais, très très bon. Également Behemoth et Emperor. Sachez que le groupe est formé de Zorn, hein, puisque c'est pour ça que ça s'appelle Zornheim, qui est un ex Dark Funeral et Deviant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Le Motoculteur sera leur première production sur scène. Exactement, ils n'ont jamais encore joué sur scène. Ce sera donc leur tout premier concert au Motoculteur. Et ce sera avant la sortie de leur premier album. Donc c'est un concert un peu exclusif. C'est là que vous pourrez découvrir, après ce que le titre que vous allez entendre chez nous et que vous pouvez peut-être entendre ailleurs, c'est là que vous pourrez découvrir vraiment le groupe en entier, quoi. Exactement. Tu aimeras ou tu aimeras pas. Là, non, c'est non, un avant-goût franchement, chez c'est nous. Très bien. Moi, j'ai un petit peu craqué. Parce que je ne connaissais pas du tout et j'ai dit merci Brigitte, je la salue. Non, Brigitte, c'est une Française, mais elle est en Suède et elle nous a envoyé encore quelques albums aujourd'hui et donc on vous essaiera de les faire découvrir très bientôt. Bon, l'émission Rock for Show va passer suédois, canadien. Ouais, je pense. Je pense que le rock français c'est fini. Genre le métal français c'est fini, désolé. Non, non, ouais. non, parce que je vous en parlerai la semaine prochaine, hein, des métal français. Ou la semaine d'après, je sais pas, on verra. En non, tout plutôt, cas, voilà. Plutôt la semaine d'après. La semaine d'après ? Bon, on verra. C'est selon. Ça va être, les semaines à venir vont être très chamboulantes. Nous enchaînons avec une autre nouveauté avec Valenfire ou Valenfear, je ne sais pas, parce que c'est avec un Y. Donc voilà. En tout cas, c'est sorti chez. Oh là là, c'est dur à dire. Century Media le 2 juin 2017. L'album s'appelle Fear Rose War. Fear Him. Alors attends, je vais essayer de traduire. Aie peur de ce qui lui fait peur. C'est ça ? Je sais pas. Là je ne suis pas bilingue, très cher. Ouais, mais je pense que ça doit être ça. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui est bilingue pour faire une mission. Tu m'étonnes. Ça et le titre bien. Que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Kill All Your Master. Et ça veut dire ça, tuer tous tes maîtres. C'est ça. Kill all your masters. Je te dirais pas non, c'est plausible, mais tuer tous vos maîtres, c'est ce que ça veut dire. C'est des outre-manches chauds. Arrête de compliquer les choses. Et c'est leur troisième album qui contient 12 titres. Ils font du Doom Death. C'est tout ? Que du Doom Death ? Oh, c'est des petits joueurs ceux-là. Ils sont formés en 2010 et ils viennent du Royaume-Uni. Ils seront Motoculteur, bien entendu, hein, puisque c'est une émission spéciale Motoculteur ce soir. Nous enchaînerons avec un autre genre de musique. Non, je pense que si tu veux enchaîner avec un autre genre, c'est pas qu'on laisse non, avec non. ça. On... Non, non, non, non, on enchaîne, puisqu'après c'est fini, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, presque. Voilà, ouais. Bah ouais, c'est fini pour le Motoculteur après. Oui. Donc on met tout Motoculteur. Tu comprends ce que je veux dire Tu fais des traverses quand même. Donc nous enchaînerons avec Monkey Free. Qui a sorti son dernier album Astra Symmetry le 2 septembre 2016 chez Napalm Records. Le titre qu'on vous a choisi, que Tom a choisi, parce que c'est lui, hein. Ça s'appelle Dead Planets. Non, me mets pas un S à Dead. Non, Dead Planets. Voilà, je préfère. Mais c'est pas moi qui ai choisi, parce que je t'en ai envoyé deux. Si, c'est toi. Tu m'as dit, je veux qu'on passe celui-là, il est bien. Non, je t'en ai envoyé deux. J'en avais trois, j'en ai enlevé un. J'ai dit, celui-là, c'est pas possible. Ouais. Et donc, il y en avait deux. T'avais le choix sur deux. Voilà. Bon, c'est extrait du sixième album qui contient 12 titres. Sorti le 2 septembre. Exactement. Ils se sont formés en 2001, Odyssée de l'espace. Ce sont encore des Suisses, mais ceux-là, ils nous viennent de Lausanne. Donc c'est encore des mecs lents. C'est pour ça qu'ils font du stoner. Hein, allez, on va dire que c'est pour ça. Ben voilà, c'est tout. Hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Rendez-vous sur le chat, mais pas pour nous, hein, juste avec les auditeurs. Sinon, allez voir la photo qu'on vous a mis en début d'émission sur le Facebook de... Rock for Show. Et puis, quelle heure il est là ? Il est tôt hein, quand même, mon cher. Ouais, il fait encore jour. Hein. Ouais, quelle heure il est ? Il est 9h moins 10. Moins 10. Enfin, moins 8 même, exactement. Donc, tout à l'heure, on sera plein de concerts. Ça te va ? Ouais, bon. On envoie la musique ? On va préparer tout ça alors. Ouais. Alors là, on part avec qui ? Attends, je me rappelle plus déjà tout ce que j'ai raconté comme bêtise. Zornheim. Non, ça c'est pas Zornheim, c'est Zornheim. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis. L'exclusivité, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans ton poste. Entre tes oreilles, écoute le Rock for Show avec Zornheim. chump's bone. The entity I am. I'm losing grip. I'm losing this war. Wasteland and wreckage kills me fast. Try no more. Screaming, aching, loving. C'est quoi? Ah ouais, voilà. Dès que tu pousses un cri, toi, ça te fait tousser. Hein. Excusez-moi, j'allais boire de l'eau. On a l'impression qu'il est en train de fumer, lui. Allez, The Great Old Ones, que vous entendez en fond sonore. Troisième album, 8 titres, sorti chez Season of Mist en 2017. L'album s'appelle EOD, A Tale of Dark Legacy, tout à fait. Ils joueront au Motocultor, c'est du dark metal, ils se sont formés en 2011. Ils nous viennent de France, de Bordeaux exactement. Voilà, voilà. Et eux, je les ai déjà vus sur scène, c'est pas mal du tout. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a écouté auparavant, mon cher Tom? Eh bien, on a écouté cette petite exclusivité de Derrière les Fagots, dont tu m'as dit hein, que t'avais bien aimé la petite mélodie. Zornheim, ils sont suédois, on vous le rappelle, et ce sera leur premier concert au Motocultor, donc essayez de ne pas les rater. Oui, et puis leur album ne sortira qu'au mois de septembre, donc pour écouter, voir ce que ça donne vraiment sur l'album, bah faut soit écouter le titre, à moins qu'il y en a d'autres qui traînent sur YouTube. Oh, il y en a certainement d'autres. Hein. Et puis sinon, allez voir au Motocultor, et là vous ferez peut-être une idée, et peut-être qu'il y aura des albums en pré-vente. Peut-être. Au Motocultor, par contre. Le genre, il se considère comme symphonique extrême metal. Voilà. Et ils sont 5 sur scène. C'était bien kiffant. Ouais, moi j'aime bien. C'était bien entraînant, voilà. J'aime beaucoup. Ça ressemblait, on peut dire que ça ressemblait peut-être à LUBC aussi un peu. Non, oh non, non, du tout. Enfin, non, mais pour une fois, un petit peu de loin. Vachement de loin. Derrière, tiens, dégage derrière l'immeuble là-bas. Non, c'était un grand mélange. Il est long, un immeuble. C'était vraiment un gros mélange. Pour une fois, les influences qui sont données, on les retrouve vraiment dans le groupe. Dissection d'Imo Borgir, King Diamond, Behemoth et Emperor pour les influences de Zornheim. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, il y avait Valenfire juste après. Et on a terminé avec Monkey Free dans un style totalement différent. On va vous parler des concerts maintenant, mon cher Tom. Il y a quelques concerts qui vont avoir lieu là pour cette semaine du mois de début juillet. Oui, excusez-moi pour le petit impact. Il y a quelques concerts qui vont arriver. Et puis après, ça va se calmer un petit peu avec les vacances quand même, faut dire. Donc on va parler de ce qu'il y a samedi. Déjà, on va parler de vendredi puisqu'on y sera demain soir. Ah oui, Pascal Mulot. Ouais. Oui, c'est le seul que j'ai en tête parce qu'on n'a pas d'autres sur nos fiches. On a Pascal Mulot au Triton à rue du Coq. Rue du Coq français, métro Mairie des Lilas sur la 11 pour les Parisiens qui fonctionnent métro boulot dodo. C'est environ 15 euros. Hein, et sachez qu'il y aura plein de musiciens qui viennent accompagner Pascal Mulot. Et c'est à partir de 20h apparemment, aux alentours de 20h. Je pense aux alentours de 20h. Ça va être très jam session, donc ça va être très là, cool, en mode très fun. Ouais, voilà. Enfin, on connaît Pascal et il est quand même très professionnel. Et voilà, je pense que ça va être quand même un minimum organisé. Hein. Oui, oui. Puis au niveau musique, ça va swinger petit peu. Là, je peux vous dire que ça va swinger complètement. Rien que pour vous dire, la session live que vous avez tenue basse, pour lui, il n'était pas terrible. Ouais, lui, il n'a pas trouvé ça terrible. Enfin, nous, on a adoré. Il a dit, ouais, sympa, mais voilà. Ça aurait pu être mieux. Ça demande à être mieux. Ah. Allez, samedi 1er juillet, à 19h, vous pourrez retrouver Mark Portnoy, Shattered, Fortress, Next to None à Paris, au Trianon. C'est une organisation Guermont Bosia. Salut Fred. Et nous enchaînerons ensuite lundi 3 avec Beyond Creation, Virvum plutôt Bleed et Promethean. Et je crois que c'était au Gibus. Oui, à République. République. Ensuite, toujours le 3. Toujours le 3, mais là, tout à l'heure, on était à 18h30. Maintenant, on est à 19h. On a Egypt Motorship, X2Tuba Boar et Karma to Burn. Et donc à Paris, toujours. Et là, je sais plus où est-ce qu'on avait dit que c'était. Maroquinerie, c'est pas ça? Non, je crois pas. Mais c'est possible. C'est possible que ce soit la Maro. Hein. On verra. Je sais plus. Et on après, continue le 3 juillet avec Foo Fighters plus Red Fang, ça sera à Bercy. Oui, à 19h30. On continue le 4 cette fois-ci avec Flogging Molly qu'on a écouté en début d'émission. Et ce sera au Bataclan. Exactement. Le 4 toujours. Terror plus Wisdom in Chains. Wisdom in Chains. Et ce sera au Gibus toujours, République. C'est ça. Et le 7 juillet, parce qu'on sera là le 6, donc on vous annonce quand même le 7, la maroquinerie avec The Magpie Salute. The Magpie. Faut chier avec les noms anglais, quoi. On est en France, quoi, merde. The Magpie Salute, on vous rappelle, c'est avec trois ex, Black Rose. C'est excellent. Franchement, l'album est vraiment très très bon. Et puis, tant qu'on y est, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Samedi 8 juillet, là, c'est un festival. C'est à Autun, dans 71, au parc des expositions. L'EDN, et c'est ADX, tiens, un groupe qu'on connaît, Black Rain, Carcarias, Death Decline, Dying Fly, Manigans, Metal Corp, No Return, Sang Dragon, et Undead Prophecy, et encore Wild, voilà, tout exactement. Ça pour un prix de 30 euros sur place, 25 en prévente. Voilà, et c'est le Silius Fest, Silius Metal Fest, premier du nom. Et on espère qu'il y en aura de nombreux. Ça commence à midi, le samedi 8 juillet 2017. Et on l'a vu en interview la semaine dernière. Et on a eu, vous avez toute une émission là-dessus, avec Pascal Mulot, vous pourrez réécouter sur les podcasts des émissions que vous pouvez retrouver également sur le Rock for Show de Facebook. Pour le lien, vous allez sur le site du Rock for Show, ou sinon vous allez sur le site archive.org et vous recherchez Rock for Show, vous trouverez directement. Le 11 juillet! Il n'y aurait pas un petit ZZ Top, par exemple, qui se déroulerait à Bercy? Il me semble, un petit ZZ Top. Par contre, je ne connais pas les invités, c'est à partir de 19h. Mais bon, chaque année, maintenant... Mais t'as des places, toi, c'est ça? ZZ Top, comment? T'as des places, toi? Oui, parce que j'ai la barbe, c'est pour ça. Mais uniquement pour ça. Le 13 juillet, le 13 juillet, c'est un jeudi. Il y aura le groupe qu'on va écouter tout de suite, puisqu'il s'agit de Nemost, qui seront accompagnés de Monolith et de Serenius. Et de Verven. Verven. Non, oui, oui, Vern. Oui, mais moi je dis Verven exprès. Verven. Hein. Pour ceux qui font... Alors eux, ils seront à Paris. Je pense que ça doit être marqué sur le conducteur où ils jouent. Enfin, on va vous redire ça tout à l'heure. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Non. Bon, bah voilà. Donc vous irez chercher. Sur le conducteur, oui. Non, c'est pas marqué. Ensuite, le 20 juillet, c'était le groupe dont on vous a parlé tout en début d'émission. On a ouvert avec eux puisqu'il s'agissait de Death Angel, qui seront avec Oni et Corrosive Elements. Ce sera à Paris. Donc, je sais plus où, mais c'est par là. Hein, je crois que c'est au Petit Bain. C'est au Petit Bain. Hein, c'est au Petit Bain, il me semble. C'est ça, mon cher Tom. Ouais, je suis perdu là, un petit bon, peu. Bon, mais c'est pas grave. C'est le 20 juillet. On vous en reparlera certainement la semaine prochaine, de toute façon. Voilà, et puis pour le reste, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a... Ah si, si, on va vous parler quand même du Fertois. Du Fertois Rock Infest, hein, qui aura lieu le 16 septembre. Et on aura une émission complète là-dessus dans les deux semaines qui arrivent, hein, donc on vous dit pas quand, mais dans les deux semaines qui arrivent, on fera une émission spéciale Fertois Rock Festival, qui ressemble beaucoup au Paris Metal France Festival, avec quelques groupes, une poignée de groupes nouveaux. Avec un peu plus de pop. Ouais, ouais. Enfin, de rock que de métal. Voilà, oui, parce qu'il y a une journée rock et une journée plutôt métal. Donc, ça se déroule un samedi dimanche et c'est dans le sud du 77, si je me trompe pas, du côté de Melun. À la Ferté. Ouais. Hein, c'est à la Ferté. C'est la Sougeoire, celle-là, ou je sais plus. Oui, c'est ça. Mais c'est pas très loin de Melun, si je me abuse. De toute façon, vous en saurez plus dans la prochaine ou celle d'après. On ne sait pas encore. On est en train de peaufiner tout ça. On est en train de caler tout ça pour savoir quand est-ce que ce sera. Voilà donc pour le motoculteur de ce soir. Bah, je peux dire que c'est fini. Hein. Ça y est, on a fini le champ. Ouais, ouais. Et puis, mais par contre, vous pourrez retrouver tous les renseignements sur internet, bien oui, entendu. Motoculteur-festival.com. Voilà. Hein, vous aurez tous les horaires, le running order. Alors, le running order n'est pas vraiment à jour dans ce que j'ai vu, mais je pense que vous allez avoir tous les nouveaux groupes qui vont être annoncés d'ici. Le 16, 17, 18, 19, 20, 21 non, je sais plus combien c'était les dates 18, 19, 20 c'est ça. Donc il commence le 17, le jeudi pour le camping je pense. Allez, on va finir cette émission avant que mon ordinateur ne rende l'âme avec Nemost justement. Et puis c'est peut-être Tom qui va finir de raconter tout ça parce que moi il va peut-être être temps que je ferme mon ordinateur. L'album s'appelle As mmh. The Ocean Burns de Nemost. Le titre que l'on va écouter s'appelle Sandstorm. C'est sorti chez Metalian Edition en 2013. C'est leur deuxième album. 9 titres. Ils sont français. C'est du prog doom death. Ils sont formés en 2005 et ils seront en concert, comme on l'a dit, le 13 juillet. Voilà. Donc ne les ratez pas. Nous enchaînons ensuite. Sachant que le 13 juillet, c'est la release party aussi. Enfin, oui. La pré-partie au Dr. Figoul. Du motoculteur. Pour du motoculteur. Donc après dernier titre, enfin ou presque. Ce sera Freak Injection avec leur titre Freak, sorti sur l'album Freak Fashion et le titre Freak Is Fashion. C'est un autoproduit, c'est sorti le 15 mai dernier. C'est un chant féminin, c'est un quartet à la croisée de l'électro et du rock. C'est des Français. De Paris. Ouais, parisien, mais chant français ou pas, Philippe ? Oui, chant. Non, pas chant français, bien entendu. Bah, t'as vu, Freak Is Fashion, oui, c'est alors, pas du français. Mais t'as des groupes, hein, qui donnent des groupes de noms en anglais et ils chantent en français. Ouais. Voilà, c'est pour ça que. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, si, c'est beaucoup de jeux de scène, c'est un univers. Mais non, allez, c'est du David Bowie. Les influences de David Bowie. Oui, David Bowie, Alex Fenfels, Nicorne et Pink Blood. Exactement. C'est du son hybride, d'accord. Ouais, entre Prodigy, Nine Inch Nails, Nina Hagen, Madonna, et voilà, après j'ai plus rien, ça c'est donc c'est un peu du... Enfin, c'est du prog, c'est du... Comment on appelle du ça prog, non, pas du prog, non, pas du prog. Mais... Non, c'est du... Première, c'est du funk, du punk, c'est un peu punk rock. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai adoré, c'est un EP, hein, c'est pas un album complet. J'ai vraiment adoré ce groupe. Donc on va vous laisser un le peu stoner, c'est ça que je voulais dire. Stoner, ouais. On va vous laisser le découvrir donc. Hein, ouais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mon cher Tom. Parce que là on s'en va directement là. Ouais, on va les laisser avec de la musique et puis nous on s'en va. Parce que j'ai faim. J'ai envie d'aller plonger dans la piscine. Ouais. Parce que l'eau est montée jusque là. La semaine dernière, c'était la canicule. Aujourd'hui, c'est le déluge. C'est la canne à icule. La canne à icule. Voilà, bon, on vous dit à tous bonne soirée. J'espère que vous aurez apprécié cette émission d'été. Ouais, on est en été maintenant. Hein, depuis la semaine dernière. Ouais. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Bah, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Oui, en direct ou pas. Si, en direct. Ouais, si. On sait, on sera en direct. Mais qu'est-ce qui nous casse les bonbons, lui? On sera en direct. Théoriquement en direct. Les vacances, c'est pas maintenant, Tom. D'accord? Les vacances, c'est dans 15 jours. Et plus, peut-être. Je sais pas. On verra bien ou pas. Il y en aura peut-être pas du tout. Ouais, en tout cas, si jamais on ne revient pas, réécoutez les podcasts. Voilà, ouais, vous avez le lien sur la page Facebook et le site archive.org, tout simplement. Allez, on vous laisse. Voilà, donc Nemost, Freak Injection, et puis après, ce sera de la programmation musicale, ce que je trouverai dans la machine. Voilà, quoi. En tout cas, c'était rock. C'était fort. Hein. C'était chaud. C'était le Rock for Show! 06 81 01 28 34, c'est le numéro de fil. Allez, la semaine prochaine. Far from the island, don't you know your name?